Chapitre 7e. 4 jours après ces curieux événements, un convoi funèbre partit de Canterville Chase vers 11 heures du soir. 8 chevaux noirs, la tête ornée de hauts plumets d'autruche, tiraient le corbillard et le cercueil de plomb était recouvert d'un riche drap pourpre sur lequel étaient brodées en or les armes des Canterville. À côté du corbillard et des voitures marchaient les domestiques portant des torches allumées, et toute la procession était fort impressionnante. Lord Canterville, venu tout exprès du pays de Galles pour assister aux funérailles, conduisait le deuil, assis dans la première voiture avec Virginia à côté de lui. Ensuite venaient le ministre des États-Unis et sa femme, puis Washington et les 3 garçons. Madame Humney occupait la dernière voiture. De l'avis général, elle avait été suffisamment effrayée par le fantôme durant plus de 50 ans de sa vie pour avoir le droit de l'accompagner à sa dernière demeure. Une fosse profonde avait été creusée dans le coin du cimetière, juste en dessous du grand if, et le service fut célébré avec beaucoup de solennité par le révérend Augustus Dampier. La cérémonie terminée, selon une vieille coutume de la famille Canterville, les domestiques éteignirent leurs torches, et tandis que l'on descendait le cercueil dans la fosse, Virginia s'avança et déposa sur le couvercle une grande croix faite de fleurs d'amandier roses et blanches. Au même instant, la lune surgit de derrière un nuage et baigna le petit cimetière de sa silencieuse lumière argentée, et dans un bosquet lointain s'éleva le chant du rossignol. Virginia songea à la description que lui avait faite le fantôme du jardin de la mort. Ses yeux s'embuèrent de larmes, et elle demeura silencieuse durant le trajet de retour. Le lendemain matin, avant que Lord Canterville regagnât la ville, M. Otis eut un entretien avec lui à propos des bijoux que le fantôme avait donnés à Virginia. Ils étaient somptueux, en particulier un collier de rubis à monture ancienne de Venise, merveilleux exemple de travail d'orfèvrerie du XVIe siècle, et leur valeur était telle que M. Otis éprouvait de graves scrupules à l'idée de laisser sa fille les accepter. « Milord, dit-il, je sais que dans ce pays le droit de main morte s'applique aussi bien au colifichet qu'à la terre, et il m'apparaît clairement que ces bijoux font partie ou devraient faire partie de l'héritage familial. Je dois en conséquence vous prier de bien vouloir les emporter à Londres et de les considérer simplement comme une part de vos biens qui vous a été restituée dans certaines circonstances étranges. Quant à ma fille, ce n'est qu'une enfant qui, jusqu'ici, je suis heureux de le dire, ne s'intéresse guère à de tels signes d'un luxe frivole. J'ai appris en outre par Madame Otis, qui, si je puis me permettre, fait autorité en matière d'art, ayant eu le privilège de passer plusieurs hivers à Boston quand elle était jeune fille, que ces pierreries ont une grande valeur marchande et que, mises en vente, elles atteindraient des prix considérables. Dans ces conditions, Lord Canterville, il m'est tout à fait impossible de les laisser en la possession d'un membre de ma famille, et à vrai dire, toutes ces vaines parures, si opportunes ou nécessaires qu'elles soient à la dignité de l'aristocratie britannique, seraient très déplacées parmi ceux qui ont été élevés selon les principes austères et, je crois, immortels de la simplicité républicaine. Peut-être devrais-je ajouter que Virginia désire beaucoup que vous lui permettiez de conserver le coffret, comme souvenir de votre ancêtre infortuné mais dévoyé. Comme il est très ancien et presque irréparable, vous jugerez peut-être bon d'accéder à sa requête. Pour ma part, j'avoue que je suis assez surpris qu'un de mes enfants soit attiré par le monde médiéval, sous quelque forme que ce soit, et selon moi, la seule explication de cette singularité tient à ce que Virginia est née dans un de vos faubourgs de Londres, peu après le retour de Madame Otis d'un voyage à Athènes. Lord Canterville écouta avec beaucoup de gravité le discours du digne ministre, tiraillant de temps en temps sa moustache grise pour dissimuler un sourire involontaire, et lorsque M. Otis eut terminé, il lui serra cordialement la main et répondit « Cher monsieur, votre charmante petite fille a rendu à mon malheureux ancêtre, Sir Simon, un très grand service, et ma famille et moi-même lui sommes infiniment reconnaissants de son sang-froid et de sa crânerie. Les bijoux sont à elle, sans le moindre doute, et parbleu, je crois que si j'étais assez sordide pour les lui prendre, le vieux scélérat sortirait de sa tombe séance tenante et me ferait mener une existence infernale. Quant à faire partie de l'héritage, rien ne peut être considéré comme tel à moins de figurer sur un testament ou un document légal. En outre, l'existence de ces bijoux était totalement inconnue. Je vous assure que je n'ai pas plus de droit sur eux que votre maître d'hôtel, et quand Miss Virginia sera grande, j'ose dire qu'elle sera ravie d'avoir de jolies choses à porter. D'ailleurs, vous oubliez, monsieur Otis, que le mobilier et le fantôme étaient compris dans notre transaction. Donc, tout ce qui appartenait au fantôme vous revient de droit, car, si remuant qu'ait pu se montrer Sir Simon dans les couloirs, du point de vue légal, il n'en était pas moins mort, et vous avez acquis ses biens par contrat. Monsieur Otis, vivement contrarié par le refus de Lord Canterville, le pressa de revenir sur sa décision, mais l'affable père du royaume n'en démordit pas, et pour finir, il persuada le ministre de permettre à sa fille de conserver le cadeau du fantôme. Quand, au printemps de 1890, la jeune duchesse de Cheshire fut présentée à la reine à l'occasion de son mariage, ses bijoux firent l'admiration de tous, car Virginia reçut la couronne, qui est la récompense de toutes les bonnes petites filles américaines, et épousa son soupirant dès qu'il eut atteint l'âge requis. Ils étaient l'un et l'autre si charmants, et s'aimaient d'un tel amour, que leur union enchanta tout le monde, à l'exception de la vieille marquise de Dumbleton, qui s'était efforcée d'annexer le duc pour l'une de ses sept filles à marier, et n'avait pas donné moins de trois grands dîners dans ce but auquel, bizarrement, M. Otis lui-même avait été invité. M. Otis éprouvait personnellement une vive sympathie pour le jeune duc, mais, par principe, il était hostile au titre, et pour citer ses propres paroles, il n'était pas sans craindre que les influences débilitantes exercées par une aristocratie assoiffée de plaisir n'entraînent l'oubli de la simplicité républicaine. Ses objections furent néanmoins totalement battues en brèche, et je crois que lorsqu'il s'avança le long de la nef de Saint-Georges sur Hanover Square avec sa fille à son bras, il n'y avait pas d'homme plus fier dans toute l'Angleterre. Une fois la lune de miel terminée, le duc et la duchesse se rendirent à Canterville Chase, et le lendemain de leur arrivée, ils allèrent à pied jusqu'au cimetière solitaire en passant par le bois de pin. Le choix de l'inscription gravée sur la tombe de Sir Simon avait suscité des discussions ardues, mais pour finir, il fut décidé d'y graver simplement les initiales du vieux gentilhomme avec le poème figurant à la fenêtre de la bibliothèque. La duchesse avait apporté un bouquet de superbes roses, qu'elle effeuilla au-dessus de la tombe, et après s'être recueillis un moment sur les lieux, ils gagnèrent à pas lents le cœur de la vieille abbaye en ruine. La duchesse s'assit sur une colonne qui gisait au sol, tandis que son mari, étendu à ses pieds, une cigarette aux lèvres, regardait ses beaux yeux. Soudain, il jeta sa cigarette, prit la main de sa jeune épouse et lui dit « Virginia, une femme ne devrait pas avoir de secret pour son mari. Chère Cécile, je n'ai pas de secret pour vous. »« Si, vous en avez, » répondit-il avec un sourire. « Jamais vous ne m'avez dit ce qui vous était arrivé quand vous étiez enfermée avec le fantôme. » »« Je ne l'ai jamais dit à personne, Cécile, » fit Virginia d'un ton grave. « Je sais, mais à moi, vous pourriez le dire. » « Je vous en prie, ne me le demandez pas, Cécile. Je ne peux pas vous le dire. Pauvre Sir Simon, je lui dois beaucoup. Si, si, ne riez pas, Cécile, c'est vrai. Il m'a fait comprendre ce qu'était la vie et la signification de la mort et pourquoi l'amour est plus fort que l'un et l'autre. » Le duc se releva et embrassa sa femme avec tendresse. « Vous pouvez garder votre secret aussi longtemps que votre cœur sera mien, » murmura-t-il. « Il a toujours été à vous, Cécile. » Et vous raconterez l'histoire un jour à nos enfants, n'est-ce pas ? Le rose monta aux joues de Virginia. Ainsi s'achève Le fantôme de Canterville par Oscar Wilde.